le son, le quoi. Non, mais tu as déjà commencé à mettre un double son parce que là, j'ai un peu trop de bruit. Ah, il y a un message de Gina sur Minitel. Gérard, je te trouve super. Continue tes débats car je les écoute tous les jeudis. Et tu devrais appeler Françoise pour que tu mettes les points sur les i et les barres sur les t. Gros bisous. Ouais, c'est bien. Il y a une dénommée Sarah normalement qui devait sur venir. Minitel, ouais. Elle a dit qu'elle pourrait pas venir. Ouais, comme par hasard, elle peut jamais venir. À chaque fois, c'est des lapins. Bon, enfin, bref, passons. Donc, on va attaquer le thème des débats. En espérant qu'il y ait un peu moins de bruit. Parce que là, il y a quand même des doubles sons et j'aime pas trop. On va accueillir Lisa, bonsoir. Bonsoir Gérard, mon petit lapin sucre. Salut Lisa. Ça va Gérard? Je sais pas, j'ai pas regardé ce matin. Ah. On va accueillir une guenon en voie de disparition du côté de Chartres. Bonsoir Gérard. Bonsoir la guenon. C'est quoi une guenon Gérard? C'est un singe qui mange des cacahuètes et des bananes. D'accord, c'est sympa alors. Donc on va accueillir la petite guenon, si elle est là. Je t'ai déjà dit bonsoir Gérard, j'aimerais que tu m'appelles autrement, je te dérange pas. Salut le singe. Salut Manu. Non, c'est pas Manu, tu vois, c'est... Ah, c'est Olivier, pardon, désolé. C'est pas grave, vas-y Gérard. Et après on va accueillir Fanny. Bonsoir. Salut. Chris. Bonsoir tout le monde. Salut. Stéphane. Oh ouais. Tu travailles? Ouais, ok, je me réveille. Salut GG. Ok. Et Pierre? Bonsoir Gérard, bonsoir tout le monde. Ouais, comme par hasard, celui-là, c'est pas un habituel pas du tout. Non, Gérard. Non, presque pas. Non, il m'a appelé ce soir pendant l'émission de Max, Gérard. Ouais, c'est ça. Tu crois que je reconnais pas les voix? Bah, non, faudrait... C'est pas des habitués, Gérard. On a mis vraiment que des nouveaux. J'ai demandé vraiment que ça se calme. C'est que des nouveaux. Pierre, demande la voix à Pierre. Pierre? Oui, c'est Pierre. Ça serait pas un Arnette ou un Loutier ou autre. Ou une Françoise. Hein? D'accord. Je pense que tu es un peu trop parano. Je le retire. Allez, bonne nuit. Bonne nuit, Pierre. Le débat n'est même pas commencé que ça saute déjà. Donc c'est même pas la peine. C'est même pas la peine d'essayer de le faire repasser pour un autre nom. Hein. Je vais en rappeler un autre GG tout de suite. Je tenais juste. Je précise juste que Gérard est très remonté de soi et qu'à mon avis, la première erreur, ça va valser. Le GG, il va pas faire de cadeau. Hein, le GG? Non, mais attends. Ouais. Ça, toi, tu dégages avec ça. Allez, on commence. Hop. Voilà. Non, mais c'est pas la peine. Gérard, surtout Gérard, tu t'assois pas. Hein. Je viens de rappeler Antoine. Non, Gérard, arrête. Antoine. Allez, okay. Gérard. Bonjour, on y va, Gérard. Antoine, t'es là? Bonsoir. Salut. Donc t'as Antoine à la place de Pierre, hein, Gérard. Ouais. Enfin, bon bref, on va bien voir comment vont se passer le débat. Il paraît que ça va bien se passer, j'en suis sûr. Il y a 12 questions sur un et 10 sur l'autre. Alors, oh, là, mais Gérard. Ouais, on va commencer. Non, non, mais toi... Je trouve que t'as pas la pêche, hein, Gérard. Hop. Ouais, je dis même avis que Manu. Hein. Ouais. Qui c'est qui dit ça? Qui c'est qui dit ça? Oh, la nana qui vient de dire ça, là, elle peut donner son nom. Bon, réveillez-vous, c'est en un. Oh! Mais ils sont tous en air, hein, Gérard. Ouais, je te demande pas les... Pour l'instant, il y en a une qui vient de dire quelque chose, on l'entend même pas. Bon, c'est pas grave, Gérard. Il y a Actarus sur Minitech qui dit bonsoir à GG et bon courage pour le débat, surtout t'as pas l'air en forme. Bah, on verra. Ouais. C'est vrai qu'il y a une petite mine. Ouais. Allez Gérard, pète le feu ce soir Gérard. Gérard, allez. Ravez-vous par des araignées ou des capards. C'est quoi le débat? Ouais, tu commences par quoi? Mais c'est quoi le débat Gérard? Sur les araignées. Parle devant ton micro et fais de la radio. Tu commences par quoi? M'en vais Gérard. Gérard, sur les araignées. Oh, réveillez-vous un peu, merde! Oui, mais c'est toi qui dors! Non, allez, ouais, bon, c'est quoi, merde, allez-y, putain, mais c'est quoi là ce bordel au standard? Eh, vous avez pas commencé comme ça le premier débat! Hein. Mais arrête, Gérard, là, c'est pas nous là! Je vais faire comme la semaine dernière! Tu vas tous les zapper, c'est ça? Moi, je vais faire comme la semaine dernière! Gérard, c'est le standard! Gérard, c'est bon ça, Gérard! Ouais, oh! Gérard. Il y a Ringo aussi, hein. Ouais, ben, ils vont se réveiller parce que tout à l'heure, c'est moi qui vais faire le standard. Ouais. Moi, je vais pas prendre les fiches, moi. Je vais prendre là sur toutes les lignes qui sonnent. C'est toi qui as endormi. Ouais, si t'as pas son temps, tu dégages. Bon, Gérard, le débat, c'est sur quoi? Sur les araignées. Avez-vous peur des araignées ou des capards? Les araignées à gros corps ou les araignées à petit corps et à grandes pattes? Qui c'est qui pose cette question? Fanny. Ah, enfin, donnez vos noms quand vous parlez, d'accord? Alors, merci. Donc, avez-vous peur des araignées donc, ou des capards? Donc, les araignées, vous savez ce que c'est? Ouais. Donc, les capards, c'est pareil? Ouais. Mais c'est les araignées avec un petit corps et des grandes pattes ou des grosses araignées avec un gros corps et des petites pattes? Ben, ça dépend du style d'araignée, c'est tout. Donc, quelle est la Sarah? Oui. C'est Elisa, mon petit chéri? Oui. Calme-toi un peu, toi. Ah bon? Non, mais Gérard, moi, j'ai la forme ce soir. C'est pas à peine de t'amuser à me dire, ouais, mon petit chéri, tout ça, on se connaît pas. Ouais, toi, tu es la ferme. Il est pas habitué avec les mots d'amour. Je suis pas d'accord, là. Gérard, c'est Estelle. Gérard, je suis pas d'accord, là. Bon, il y en a un déjà qui va commencer par se taire. Je préviens tout de suite des histoires de dire, ouais, mon petit chéri, tout ça, patati patata, je commence à en avoir ras-le-bol. Mais comment tu vas faire ça, Gérard? Gérard, moi, je fais pas partie de ceux qui te posent des lapins, hein, Gérard. Non. Gérard. Parce que pas. Mais bah non, c'est pas nous qui donnons ton téléphone, hein. Comment? On te donne pas ton téléphone, nous. Hein. Gérard. Allez, enchaîne, mon cœur. Attends. Qui ça? Ouais, oh. Olivier, s'il te plaît. Déjà, tu as commencé par faire une chose. Ouais, Gérard. Tu vas pas me prendre la tête avec un double son, parce que là, c'est trop tôt. Il n'y a pas de double son. Par contre, on me demande s'il y a besoin d'un contentif pour que tu aies l'air un peu moins stressé. Ouais, bah alors là, tu vois, des questions comme ça, Minitel, je répondrai pas. D'accord. Claire et net. Gérard, pose ta première question. Ça y est, elle est posée. Maintenant, ça vous de répondre. Oui. Moi j'ai un petit problème pour répondre à la question parce que je sais pas de quoi tu parles. Avez-vous peur des araignées ou des cafards? J'ai pas compris, j'ai bien entendu araignée et cafard. Araignée à la rigueur, je sais ce que c'est, cafard, je sais pas. Un cafard, tu sais pas ce que c'est ce qui court dans la cuisine. Oui, mais comme ça ressemble à quoi? Ça ressemble à. Attends, je vois mon café en même temps. cafard, ça ressemble à peu près comme un. Gérard? Un scarabée. Un scarabée? Et c'est gros comment? Non, c'est aussi gros qu'un scarabée. Non, c'est plus petit. Ouais, ou plus petit. Ouais, doucement, là, il y en a qu'on des portables? Non. Non. T'en es sûr? Il n'y a pas de portable, là. Je suis certain. Gérard, ça fait... C'est quand tu veux, hein, pour commencer vraiment. Tu peux répondre, Gérard? Alors, Lisa? C'est... Oui, Gérard, donc moi, je n'aime pas les araignées et les cafards. Et pourquoi? Parce que je trouve que c'est dégoûtant, c'est des petites bestioles qui arrêtent pas de courir très vite. C'est dégoûtant, c'est ça. Hein, c'est dégoûtant. Même d'y penser, ça me donne des frissons, Gérard. Mm-hmm. Donc, Fanny? Moi, à la rigueur, ça me dérange pas trop parce que c'est pas des bestioles qui sautent, c'est pas ça te grimpe pas aux cheveux, c'est pas traître. Donc mm-hmm. À la rigueur, ça me dérange pas. D'accord. Chris? Oui. Eh bien, écoute, Gérard, moi j'ai très très peur des araignées, je les supporte pas. D'ailleurs, il y en a une dans ma chambre et je voulais savoir si tu pouvais venir l'écraser cette nuit et me défendre contre elle parce que t'es tellement beau et tellement fort. Non, mais ça, tu te débrouilles toute seule. Ouais, tu te débrouilles toute seule. Tu te débrouilles toute seule. Le playboy. Une invitation à venir écraser une araignée, ça se refuse pas. Non, mais tu te débrouilles toute seule, d'accord? Je vais chez personne, d'accord? Mais vas-y, t'as peur des araignées? Non, mais même... moi, ça m'intéresse pas d'aller chez des gens pour écraser n'importe quoi. Tu sais, donc, une invitation à venir écraser une araignée, non, ça non, peut mais mener tu loin. Mais tu te débrouilles toute seule. T'es assez grande. Tu sais comment qu'on fait. Ouais, tu prends un chiffon et tu la tues toi-même. Voilà. Mais ça fait des traces sur le mur après. Ouais. Moi, je vais bien venir lui tuer son araignée. Bon, Stéphane. Bah écoute, pas de problème. Ouais, bah moi, j'ai carrément horreur des araignées. Mm-hmm. Ah ouais, c'est la folie, quoi. Merci pour l'arsène. Ouais. Ouais, donc, c'est les araignées, comme je te disais. Ouais, c'est qu'à moi, les cafards, ça va encore, mais moi, chez moi, c'est propre, donc j'en ai pas. Mmh. Gérard? Mais attends, 5 minutes. Stéphane, pourquoi que tu dis ça? Bah, je dis ça comme ça. Oui. Parce que tu crois que chez moi, c'est dégueulasse, c'est ça? Bah non, j'ai pas parlé de ça. Non, mais presque pas. Bah non, merci, Olivier. Olivier, tu vas pas commencer parce que tout à l'heure, je vais laisser tomber. J'ai rien fait, Gérard. Non, tu vas pas t'amuser avec jouer sur les boutons, là. Je joue pas sur les boutons. Non, parce que là... On parle d'araignée, on parle pas de boutons. Ouais, tu vois. Est-ce que tu penses que les araignées font des... Joue comme la semaine dernière, tu verras. Ouais, d'accord. Donc, à la place de Pierre, on a qui On a Antoine. Antoine. Ouais, moi, les araignées, les cafards, ça me fait pas trop peur. Mmh. Voilà, c'est tout. Ouais. Comme par hasard, au lieu de te faire passer pour Pierre, Antoine, tu t'appellerais pas Arnette ou autre? Pas du tout. Je pense que t'es un petit peu trop parano. Ouais, parano, problème, en fait. Mais t'es un habituel, d'accord? Rien du tout. Non, presque pas. Gérard. Si. Mais non, Gérard, attention. Rien qu'à Savoie, je le reconnais. J'appelle de Limoges, c'est sûr. J'appelle de Limoges, j'ai 25 ans. Oui, c'est ça. T'appelles de Limoges parce qu'on t'a dit, tu dis que t'appelles de Limoges, mais t'habites sur Paris, d'accord? Tiens, sur Minitel, il y a Actarus qui dit qu'il a ton numéro de portable et c'est sur le site internet déjà. C'est bien. Ça commence par 06. Ouais, mais t'inquiète pas, il y en a une, je vais m'occuper de son cas dans moins de 2 heures. D'accord, donc pour Limoges. Dans moins de 2 heures, je vais m'occuper de son cas. Il y a beaucoup de cafards à Limoges? Oui, beaucoup, oui. Ouais. Ça court les rues. Ouais, c'est ça. T'as raison. Et pour finir, la colombe en voie de disparition. Bah moi, pour ce qui est des araignées, j'ai pas peur. Maintenant, pour ce qui est des cafards, j'ai toujours pas pigé ce que c'était, donc je peux pas te répondre. Bah, un cafard, tu vois ce que c'est, un scarabée. Les scarabées, t'en as toutes les tailles, Gérard. Mais c'est un tout petit scarabée. Un cafard. Bah, explique-nous, on comprend pas, là, Gérard. Bon, cafard, scarabée, tu sais ce que c'est? Ouais. T'en as déjà vu? Ouais. Bon, bah, tu prends le cafard. Anneli. Non, merci. Au McDo, pourquoi? Qui c'est qui pose au McDo Neuilly, là? Qui c'est que, qui dit ça? Moi. Pourquoi? Parce que t'es au courant? Ça fait le tour. Oui. Donc, ça fait quoi un cafard? Ça marche, ça vole, ça fait quoi? Ça rampe. Mais ça rampe, un cafard. Ça pète, ça rote. Celui qui s'amuse à dire des conneries tout à l'heure, il va dégager et ça va aller vite fait. Parce qu'il y a les deux mecs, si vous continuez à me prendre trop la tête sur le débat. Il y a une question sur Minitel intéressante, c'est comment c'est Christophe. Ça va chauffer. Antoine, déjà, tu vas me le prendre. Antoine, c'est un habituel. C'est un habituel. Tu connais ou quoi? Antoine, c'est un habituel. Moi, je pense. Moi aussi. Ouais. Mmh. Ou alors il attend un appel sur son téléphone. Vas-y, Gérard, c'est toi le chef, hein. Ouais. Mais t'inquiète pas qu'Antoine, tu vas pas rester longtemps. Je te le dis tout de suite. Je sais pas, j'essaie de répondre sérieusement aux questions. Non, mais dans ce cas-là, tu dégages, je reconnais ta voix. Allez hop, bonne nuit. Gérard. Hop, bonne nuit pour Antoine, allez hop. Dehors. Ça ne dit pas les habituels. Bon, alors, apparemment, c'est des habituels. Dans ce cas-là, si on vire Antoine, l'habituel, on vire Estelle, l'habituel aussi. Allez, ça y est. Elle est virée aussi. Non, alors dans ce cas-là, je fais pas de débat. Ah, bah alors dans ces cas-là. Bon, Gérard, sur Minitel, il y a une question intéressante, c'est comment c'est Chris Carabé. Estelle? Oui. T'es une habituelle? Ouais. Ah, bah ouais, faut. Et voilà. Elle répond aux questions. Et ben, Antoine aussi répondait. Non. Gérard, le problème, c'est que elle, c'est une fille, Antoine, c'est un garçon. Voilà, et que systématiquement, dès qu'il y a un truc qui va pas, c'est le garçon. Et en plus, je suis un beau gosse. Ouais, ça, je suis d'accord. De manière, si ça te plaît pas, Antoine, c'est le même prix. Tu veux pas faire de débat, tu veux juste qu'il y ait des filles qui te parlent. C'est tout. Gérard, c'est un essai. Il a pas dit de conneries encore pour l'instant. Alors maintenant, sur Métal, il y a une question. Comment s'écrit Scarabée? Comme ça se prononce. Mais non. Voilà, terminé. Bravo, ça se prononce. Ils vont pas me casser les biantes sur Minitel. Gérard. Quoi? C'est Lisa. Ouais. J'avais une question à te poser, s'il te plaît. Vas-y. Je vais savoir si t'es chez toi le soir, t'es en train de dormir et soudain tu vois une araignée et un cafard. Quelle est ta réaction? Non, mais attends, quand je dors, je vois pas d'araignée ni de cafard. Non, mais disons que t'en vois une. Non, mais quand je dors, je ne vois rien, j'ai les yeux fermés, donc je peux pas voir s'il y a des araignées ou des cafards. Mais ok, cafard, on est bien d'accord. C'est Stéphane. Quoi? Je voulais te poser une question, est-ce que t'as souvent le cafard? Est-ce que t'es un habituel, Gérard? Ouais, attends, pour l'instant, il vient. J'ai entendu la semaine dernière, Gérard. Est-ce que t'as souvent habituel le cafard? Pourquoi tu me poses cette question? Bah, je sais pas, on parle d'araignée de cafard, alors je te pose la question. Non, mais attends, cafard, c'est ce qui court dans les cuisines, d'accord? Non, mais c'est intéressant parce que. C'est intéressant. C'est pas sur la vie privée des gens. Non, bah, c'était comme ça. D'accord. Hein. Et Gérard, c'est intéressant ce qu'il demande parce qu'il y a peut-être une relation entre avoir le cafard et les cafards. Peut-être que avoir le cafard, ça attire les cafards. Peut-être l'inverse. Non, pas du tout. Tu penses pas? Pensez-vous que dans le métro, il y a des rats? Mais t'as pas répondu à la question, toi. Non, mais je répondrai pas. Non, mais réponds. Je peux pas répondre, Gérard. Réponds à la première question. Est-ce que toi, t'as peur des araignées, des cafards? J'ai dit répondre quand je sors, je vois ni les araignées, ni les cafards. Oui, d'accord, mais ça dit pas si t'en as peur ou pas. Il n'y a pas que quand tu dors. Est-ce que si t'en vois un, t'as peur ou pas? De toute manière, je l'écrase. Tu l'écrases. Aucune pitié, alors. D'accord, ça y est, t'es contente de ta question, Lisa? Mais Gérard, mais qu'est-ce qu'il prend ce soir? Si Gérard pouvait se réveiller et être un tout petit peu moins aigri, ça serait bien, parce que sinon, à 2 heures, on est parti. Je suis tout à fait d'accord avec Max, hein. Moi, Max, il a la pêche, hein. Bah, si t'es pas contente, eh ben, dans ce cas-là, je suis très contente, Gérard. Si t'es pas contente, ça me l'a pris tout à l'heure, tu as gerbé. Ah bah okay. Gérard, c'est sympa. C'est quoi la deuxième question, Gérard? Ah bah c'est sympa, Gérard, pour les nanas, c'est sympa. Ouais, franchement, non, mais tu as gerbé, Lisa, si tu continues. Bon, Gérard, deuxième question. D'accord. Je fais ce que je veux. T'es pas trop agréable. C'est toi le chef, GG. Pensez-vous que dans le métro, y a-t-il des rats? Chris. Non, c'est comme c'est bien nettoyé. Ouais, Chris. Ça dépend, est-ce que tu prends le métro? Oui. Ben, ah, y en a alors. Comment? Non, rien. Non, non, mais toi, je vais te dire une chose, tu vas déjà te calmer parce que tout à l'heure, tu vas gerber, mais vite fait. Quelle poésie. Hein? Un petit poème, Gérard. Qui c'est qui demande ça? Fanny. Comment? Fanny. Ouais, ben, pour l'instant, tu réponds aux questions. Ben, après, moi, j'ai pas le métro chez moi. Comment? J'ai pas le métro chez moi. Ben, y a quoi de ton côté? Ben, y a juste des bus et des cars. Ouais. Ouais, c'est pareil pour moi. Quoi? C'est pareil pour moi. Qui? Stéphane. Ouais. Ouais, par contre, pour ce qui est des rats, ça dépend les endroits, quoi. Non, mais dans le métro, hein. Ben, j'ai jamais pris le métro, moi. Bah, elle ira dans le métro, ça dépend des endroits. Quoi, ben, j'en connais un qui a un portable ou qui a une musique derrière, c'est une atroce le bruit que j'ai dans les oreilles. Inadmissible. C'est inadmissible. J'ai du bruit dans les oreilles, je suis désolé. Non, Gérard, tu fais de la radio là. Mais sans déconner, Gérard. Et tout le monde Gérard, a le même bruit, c'est Gérard. Gérard, c'est fou là. Allez, j'ai trop de bruit dans les oreilles. Il y a quelqu'un. Il y a un bruit dans. Il y a quelqu'un qui a un portable. Retire ton casque, t'auras plus de bruit. Bon, alors, Chris. Oui. Ben, je te demandais si tu prenais le métro. Ben oui, je t'ai déjà répondu quand j'allais à l'enco, je prends le métro. Il y en a dans le métro. Il y en a sûrement. Pourquoi tu réponds à ces questions et pas aux miennes? Ben attends, toi, t'habites où? Parce que je suis une fille. Non, mais attends, Chris. Oui. Anthony, c'est toi qui viens de parler? Non, c'est Stéphane. Ouais, Stéphane, t'habites où? Moi, j'habite Compiègne. Ben, Compiègne, il n'y a pas de métro? Ah non, négatif. Non. Il n'y a que des bus. Ah ouais. Négatif. T'es jamais venu sur Paris pour prendre le métro? Ah si, tout à fait, je suis venu, c'est pour ça que je t'ai dit tout à l'heure, ça dépend les endroits au niveau du métro. Ah. Et dans toutes les rames de métro, je suis désolé, il y a quand même des rats. T'en as vu? Eh, ça commence à bien faire le bruit, là. Quel bruit? Tout le monde a le même bruit, Gérard, y a pas de bruit. Faut que t'arrêtes ce soir, là, Gérard. T'as vu beaucoup des rats, Gérard, toi? Tu te poses une question, tu dis même pas si toi tu prends le métro, si t'as déjà vu des rats dans le métro. Y a le cafard. Tu dis rien. T'as peut-être pas cafard. Est-ce que tu prends le métro, Gérard? Tu fais que ton tige. Il y a un métro. Là, il y a Max. Là, Max, il l'entend et on entend très bien un bruit. Il y a un téléphone sans fil. Ouais, il y a quelqu'un qui a un portable. Attends. Pêche-toi, chochotte. Voilà, c'est plus. On l'entend encore? Ben, si. Non, on l'entend plus. Non, mais attends. Non, on l'entend plus. On l'entend plus. Mais dans ces cas-là, tu t'amuses pas derrière. Ok? Mais. Il fait rien, Gérard. Gérard, tu veux venir ici? Donc, Chris. Gérard, tu veux venir là? J'ai déjà répondu, Gérard. La gueule. Comment? J'ai déjà répondu, je te dis que j'en ai jamais vu des rats. D'accord. Mais j'ai pas de métro non plus là où j'habite. Ouais, mais t'habites du quel côté, toi? Aix-en-Provence. Aix-en-Provence, y a pas de métro. Ouais, il y en a un à Marseille, mais bon, j'ai jamais vu de rats dans le métro à Marseille. D'accord. Tu mets ton Fanny? Moi je t'ai déjà dit, il n'y a pas de métro chez moi, c'est des bus et des cars. C'est quelle ligne, la ligne Aix-en-Provence-Paris? Ben j'en sais rien. Aix-en-Provence-Paris, je vois pas le rapport avec les lignes de métro. Les lignes de métro, c'est la nouvelle là, je crois. Ouais, c'est ça. Ah oui, la nouvelle qu'ils ont construite récemment. Je sais pas, c'est nord-sud, plus vite, plus loin, plus beau, c'est ça? Ouais, c'est la nouvelle. Voilà, c'est un tramway qui roule dans un tunnel. Mais il y a beaucoup de rats sur cette ligne-là. Ouais, c'est vrai, ouais. On a entendu parler de rats. Voilà. Et toi? Estelle. Oui. Ben moi, c'est pareil, j'ai pas de métro ici, Gérard. Je l'ai pris qu'une fois et j'ai rien vu. Ok. Lisa? Ouais, Gérard, moi je pense qu'il va sûrement en avoir certains, quoi. Ça dépend les endroits. Non, mais est-ce qu'il y a un métro de ton côté? Ouais, moi j'habite Paris. Donc ça dépend des lignes. Qui sait qu'il y a un portable derrière d'allumé? Gérard, il y a beaucoup de questions au standard. On me demande pourquoi les rats? Quel est le rapport entre les rats et les araignées? Et les standard. Et le métro. Et les cuisines. Est-ce qu'il y a un rapport de coton-tige? On demande. Question Minitel, je répondrai pas. Je vais répondre, vous permettez, je vais répondre quand même à la question standard qui a été annoncée. On permet. Bon, si t'es pas content, Tony, c'est pareil. Donc, je réponds. Donc, dans le métro, à l'heure actuelle, il y a des rats, ça vous le savez très bien. ceux qui habitent la région parisienne, et je sais qu'il y en a. Parce que tout le monde me dit que il y en a certains qui me disent qu'ils sont de banlieue alors que c'est faux. Qui? Mais Gérard, quelles sont les lignes où tu trouves des rats? Tu peux nous le dire? Ouais, dis-nous-le parce que t'as l'air de connaître. Eh ben, sur la ligne. Sur la ligne. Est-ce que tu t'es déjà fait. Excuse-nous, Gérard. Parce que Rigo et moi, t'as pas répondu à la question du standard qui est quel est le rapport entre les rats, les araignées et les cafards et le métro. Et les baignoires. Ouais, Gérard, est-ce que ça entrafite tout ça ou pas? De quoi? Est-ce que ça entrafite ça, les rats, le métro, les araignées, tout ça? Non. Tu penses pas que ça entrafite? Non. Donc, je sais. Déjà fait courser dans le métro par des rats mal en chaleur. C'est comment ton nom, toi? Moi, c'est Ant. C'est bon. C'est Jean-Yves. Jean-Yves. Ouais, Jean-Yves. Avec la voix de René. Oui, avec la voix de René. Pour un habituel. Ok, alors bonne nuit à lui. Allez, hop! Ça m'aurait étonné parce que hier, il avait annoncé qu'il voulait faire partie et c'est un dénommé Arnett. C'est bon? Ah non. Terminé. Ah, t'as perdu, c'était Tony, GG. Eh ben, dans ce cas-là, c'est pas la peine. C'est pas la peine. J'avais bien prévu. Qu'est-ce que je t'ai dit, Manu, hier? J'aime pas trop qu'on soude de ma gueule. Exactement, bon, on zappe Estelle alors. Qu'est-ce qu'on t'a dit il y a 10 minutes? Fais un peu attention à ton débat. Croyez-vous qu'une chauve-souris, ça fait mal à quelqu'un? J'ai quoi le rapport avec ça? Sexuellement? Ouais. Celui qui s'amuse à prendre des voix des mecs, des habituels, c'est pas la peine, il va gerber vite fait. Si. Je sens que je vais pas faire les 10 questions, les 12 questions sur celui-là. Moi je sens que tu vas t'arrêter dans 15 minutes et puis c'est tout, parce que c'est tellement nul là. Bah si ça te plaît pas. Non mais t'as pas la pêche là. Non mais si ça te plaît pas, tu le fais, d'accord? T'as pas la pêche. Ok. Ça dépend des races des chauves-souris. Mmh. Il y en a qui attaquent les chevaux. De quoi? Il y a des chauves-souris qui attaquent les chevaux et qui leur sucent le sang. Mm-hmm. Mais ouais, mais ça c'est pas des chauves-souris, hein. Comment? Ça c'est pas des chauves-souris. C'est quoi? Bah ça, c'est, peut-être que les chauves-souris c'est une race, les vampires c'est une race de chauves-souris. Ah ouais? Ouais. Bon, donc, Chris, je voudrais recerner la question parce que moi je comprends pas. Ça fait mal quand quoi? Croyez-vous qu'une chauve-souris c'est mal? Ça fait mal. Oui, mais quand quoi? Bah si elle vous attrape les cheveux. Ah, la nuit. Ah, mais il fallait dire. Hein. Questions, on comprend rien. Ça s'attaque rarement à l'homme quand même, les chauves-souris. En principe, si la personne a des longs cheveux, si elle s'attaque sur elle, hein. Je suis désolé. C'est pas qu'elle s'attaque, c'est qu'elles ont eu peur, cheveux, et puis elle se sauve, se file dans tes cheveux, quoi. Elle se prend dans les moustaches aussi, pareil. Ouais, c'est ça. Dans les moustaches, ouais, et puis quoi encore. C'est ça. Non, c'est mais ça. Elle se fout dans les cheveux seulement si la personne, elle vient de se laver les cheveux. C'est l'odeur du shampoing qui les attire. Mmh. Ok. Et elle sève tout particulièrement, enfin c'est une marque. Il y en a qui n'ont pas de problème. Mmh. Allô? Je suis en train de regarder qu'il y a des téléphones qui est pourri, parce que t'as raison, il y a un téléphone qui est pourri, on est en train de regarder. Continue ton débat. Gérard, là, pour l'instant, c'est nul. Ça fait un quart d'heure, c'est nul, c'est mou. Hein. Ah, j'adore Max, quand tu parles. Donc, avez-vous déjà croisé des hiboux dans la campagne? Des quoi? Des hiboux. Mais t'as même pas dit si t'avais peur des chauves-souris, toi. Bah, ça va, on n'a pas répondu à la question, alors. Tu nous as même pas peur. Des bouts? Bon, je vais faire une blague. Ouais, chouette comme question. S'amuser. Ouais, on arrête maintenant. Ah, Gérard nous a fait une blague en fait. Il faisait genre j'ai pas la pêche. Comme ça, on va s'amuser sur les. Allez, Cogne, il y a 10 questions. Non, c'est pas facile. Je termine ma. Non, on commence les chauves-souris, ça devenait drôle là. Non, je continue pas comme ça, on me prendra pas pour un. Mais si, continue-le, Gérard. C'est pas toi qui as fait la question, c'est pour ça. Vas-y, Gérard. C'est moi qui ai zappé. C'est ça, plaqué, ça m'a pris. C'est ça, plaqué, ça m'a pris. C'est ce que je vois comme débat. Gérard. Quoi? Je voulais te dire, tes questions elles sont intelligentes, donc ça va, c'est bon, donc on répond. Ouais, ben faudra peut-être vous réveiller un peu parce que là vous commencez à vous réveiller. Non, mais de manière. Sinon, tu fais ton deuxième débat, t'arrêtes à 2h30, moi j'en fais un derrière. Ouais. Je sais pas ce que t'as, soit t'es aigri, donc je pense que déjà. Ah, je trouve qu'il est normal, hein. Je pense que tu vas prendre des vacances, Noël, tu vas prendre tes 15 jours là, comme prévu. Il y aura François qui viendra. Non, il n'y aura pas de débat le jeudi, on prendra des vacances et moi je ferai des débats à sa place pendant 15 jours, ça lui fera du bien. Ouais. Eh ben, dans ce cas-là. Il se passe rien là, t'es mou, t'es tout. Dans ce cas-là, on va faire le silicone et c'est tout. Allez, j'arrête derrière. J'arrête derrière, je fais les silicones et c'est tout. Tu parles comme ça. Tu sais qu'on fera même pas le silicone si t'es mou comme ça, je préfère arrêter, je préfère mettre de la musique, hein, c'est mieux. Hein. Ouais, Gérard. Dans ce cas-là, tu fais ce que tu veux, c'est tout, c'est toi qui commande. Mais s'en fout tout. Mais pourquoi tu te laisses faire comme ça? C'est bien tes débats, Gérard. Merde, réveille-toi, réagis. Non, mais quand, quand je demande quelque chose au standard, j'aime bien qu'on, quand, Gérard, qu'on m'écoute. C'est pas le problème, là. Attends, le standard, c'est un faux prétexte pour toi. Alors, je suis sûr que tu es capable de dominer ton sujet, Gérard. On va faire un débat, quel est le problème, Gérard? Voilà. On va résoudre ça en 5 minutes parce que. Quel est le problème? Quel est le problème, Gérard? Non, non, mais déjà une. Oui, une. Tu as déjà essayé de mettre moins de bordel dans les oreilles parce que là, ça commence à bien faire. Alors, le bordel dans les oreilles, j'y suis pour rien. Il y a des gens au téléphone, tu entends des gens au téléphone, tu parles, c'est tout. C'est tout. Il n'y a rien. J'ai rien fait depuis le début. Déjà deux. C'est 1h15, ça commence. Deux. Au standard. Vous allez vous réveiller un petit peu. Arrête, mais on est réveillé. C'est bon. Attends, Gérard. C'est l'animateur de se réveiller. Ouais. Ouais, c'est ça. Les gens, ils sont réveillés. C'est toi qui es mou. Tu dis rien, c'est mou. Eh, mais moi, on va pas à 4h, on arrête à 3h. Ah, bah, moi, j'arrête à 2h30, c'est tout, comme ça, tu te débrouilleras la semaine prochaine. Qui dit mieux, qui dit mieux? Des promesses, toujours des promesses. Gérard, c'est Estelle. Hein? Franchement, t'exagères, sur ce coup-là. Ouais, tu nous invites, tu nous demandes de venir participer à tes débats et tout. T'arrives, t'es mou comme jamais t'as été de ta vie. Hein, tu fous rien. Tu nous dis à nous qu'on est mou alors que c'est toi qui fous rien. Et ne pose pas les questions. Ouais, bien sûr, malade. On ne peut pas répondre aux questions. Non, mais attendez, au standard, c'est pas la peine d'essayer de jouer avec, avec le mec de la pro. Mais on fait rien, okay. Gérard. Mais arrête, reprends ton débat, on n'a rien fait. Cela, ça commence à bien faire, fait, Gérard. Gérard. On n'a rien fait, Gérard. Arrête. Arrête. Ouais, Gérard, on est en ce moment. Je vous vois, hein, vas-y, on va en même temps, je vous pose des questions. Vas-y, Gérard, Gérard. Hein, allez, Gérard, attention. Gérard, ça me fait une petite démarrage. Gérard, si dans 30 secondes tu démarres pas ton débat, tu te mets à la place d'Olivier, comme ça il n'y aura pas de problème de production, et comme ça, ça se passera bien. Et si le débat est pas bien, moi je l'arrête et je fais la suite tout seul. Avec ouais, bah dans ce cas-là, eux, ils ont pas à s'amuser sur un tous boss pour parler à Olivier dans le cas. On n'a pas de problème. Arrête de... Arrête un peu de boire, je pense. Toi, on dirait un dictateur. Fais ton coton-tige, Gérard. Si t'es parano, tu fais toi-même, mais fais ta réa comme mais ça. Viens. Ouais, si. Je sais pas ce qu'on va penser, mais on verra ce soir. Y a-t-il des souris dans toutes les gaves, dans toutes les caves ou dans les égouts? Bah, Gérard, tu sautes les questions, on a même pas répondu. Ouais, on a pas répondu. Tu nous as pas dit de répondre. Mais j'ai rien fait, j'ai rien dit. Gérard, reprends tes débats, concentre-toi un peu, on n'a rien fait. Allez, bouge. J'ai la peine de lui dire. Arrête, Gérard. Vous êtes très bien. Ouais, ok, tu nous as entendu, tu nous as vu, vas-y. Pour combien de points, points. Eh, Gérard, reviens. Oh, ok. Pour Manu, hein. Pas jouer, voilà, merci. Pas jouer au con avec moi, là. Ah, bah, c'est vrai, oui. Mais Gérard, quand même, imbéciles, là. On peut répondre aux questions, Gérard. On répondait à la quatrième. Mais ça pousse tout le temps Manu, Olivier, toute la bande. On était au hibou, là. Nous, on aimerait bien comprendre, hein. Bon, alors, les hiboux, donc. On était au hibou, ouais. On était à la question au hibou dans la forêt. Tu peux répéter la question, Gérard? Avez-vous croisé des hiboux dans la campagne? Ah, oui. Voilà. Oui. Alors, qui répond? Alors, oui, qui répond? Fanny. C'est Stéphane. Bon, Fanny répond. Fanny répond. Alors, moi, j'ai des hiboux qui sont à la fenêtre de chez moi. Et à deux couples de ces, enfin je sais pas si c'est des hiboux ou des chouettes, en fait je sais pas trop les différencier, mais donc ça fait un bruit assez strident et j'en ai déjà rencontré. D'accord. Chris. À 2h30 j'arrête et ben c'est bien. Merci de me couper la parole, cher ami. Vas-y Chris. J'en ai déjà vu dans la forêt, d'ailleurs on a chanté tous ensemble coucou hibou, coucou hibou, coucou coucou coucou. Voilà, je mets de l'ambiance. Ouais, c'est toi, super chouette. Lisa. Ouais, moi j'en ai déjà rencontré. Et puis, je leur ai donné un coup de carabine. Hein. Ah. D'accord. Ouais, parce qu'ils font chier, ils font trop de bruit, ils sautent dessus. Moi, je suis pas d'accord. Hein. Ouais, mais il n'y a pas le droit de faire ça. Hein. Comment? Il n'y a pas le droit de faire ça. Ouais, qui c'est bon, qui répond là? Stéphanie. Il n'y a pas le droit de tuer les hiboux. Hein. C'est protégé. Okay. Ouais, mais quand ils font des bruits tout stridents, il faut bien se protéger. Hein. Mais elles font pas mal. Ouais, bon. Gérard. Ouais. Bah, c'est mignon, les hiboux. Ouais. Stéphane. Okay. Ouais, bah moi, donc Gérard fait la gueule, mais bon, on accueille quand même Yves à la place d'Antoine. Ah, ouais. Bonjour Yves. Salut Yves. Salut. Moi c'est Steph, GG. Ouais, j'ai déjà croisé des hiboux dans la forêt, je trouve ça super impressionnant, et au niveau des yeux. Et le coup il tourne. Bon, ouais. Yves, t'as du monde derrière toi, tu demandes aux gens qu'ils se calment ou sinon tu ressors. Alors y'a personne, je suis tout seul. Non, comme par hasard, y'avait du bruit. Je sais que t'es parano, mais y'a personne. Ça te plaît pas, c'est le même prix, d'accord? Ouais, mais ça me plaît pas, mais c'était parano. Il y a quelqu'un derrière moi, je suis tout seul dans mon appartement de 15 mètres carrés. Combien de mètres carrés? 15 mètres. Ah, alors. C'est petit tout ça, non? Pardon? Stéphane! Oui, c'est vrai, il y a 25 mètres carrés dans mon Stéphane frigo. Stéphane! Ah, je réponds, ils parlent tout, j'arrive pas à parler là. Ah, tu la fermes pour l'instant, d'accord? Bon alors? Tu la fermes, c'est pas toi que je m'adresse. N'oublie jamais que t'es un mec. c'est moi, c'est Stéphane. Ouais, ben, l'autre, il la ferme. Est-ce que Yves pourrait intervenir quand même? Pour l'instant, Yves, que la ferme. D'accord. C'est un sommitaire qui dit Gérard. Eh ben, je vois que la caille est sympathique, hein. Bon, GG, c'est Stéphane. Question minutelle avant. Laetitia, Gérard, j'ai envie de toi. Tiens, ça, tu l'entends par contre. Hein. Non, ben, elle va se faire foutre. Stéphane. Ouais, oui. Donc, comme je te disais, j'en ai croisé dans la forêt et je trouve ça super au niveau des yeux. C'est impressionnant dans la nuit. Non, mais attends. Hé, hey, un hibou, tu sais ce que c'est? C'est quoi, Gérard? C'est quoi? C'est un oiseau qui est sur un arbre et qui arrête pas d'hurler toute la nuit, d'accord? Ouais, ça fait quoi comme bruit? D'accord, mais ça a des yeux. Bah oui, ça a des yeux. Ça fait quoi comme bruit, Gérard, un hibou? J'en sais rien, j'ai pas vu. Gérard, ça a des yeux, un hibou? Bah bien sûr. En principe. Bah oui, la nuit, c'est joli d'ailleurs. Regardez. Voilà, la grande gueule là qui vient d'arriver, qui veut parler au-dessus de tout le monde, alors vas-y. Ah, c'est pas que je veux parler au-dessus de tout le monde, c'est que simplement je veux intervenir. Je voulais juste te dire que le hibou est un chouette animal, comme le disait tout à l'heure une demoiselle, et que c'est effectivement un oiseau qui est très joli à regarder la nuit. Et qu'il faut protéger. Moi je l'étudie, moi je l'ai beaucoup étudié parce que je fais une école d'animaux. Et on en a rien à foutre de ce que tu fais comme étude, d'accord? D'accord. Non mais Gérard est très aigri ce soir, je sais qu'il est très aigri et qu'il a l'air d'être dans le pâté. Calme. C'est pas la peine d'essayer de jacter avec quelqu'un d'autre quand je te parle. À chaque fois c'est pareil. Il y a quand même un comité extrême, Gérard, faut que je t'en parle parce que ça a l'air assez grave. J'ai deux messages depuis tout à l'heure qui ont posé un ultimatum, qui ont dit que si dans 5 minutes ton débat était pas bien, ils allaient diffuser ton numéro de portable sur internet et sur toutes les télés du monde. Eh ben c'est bien parce que de manière signé extrême Gérard. Ouais, eh ben qui s'essaye. Parce que bon, pour l'instant Gérard, j'ai pas la carte. Gérard, je l'ai calmé, hein, j'ai calmé Yves, mais c'était pas lui. Hein. Non, c'était pas lui, presque arrête. Mais t'as rien dit. Y a-t-il des souris dans... Mais j'ai même pas fini de répondre à la question. J'étais en train de parler de mes études. Mais on en a rien à foutre de tes études, d'accord? C'était pour dire que par rapport à mes études, j'étudiais donc la chouette et le hibou et que je trouvais que c'était une belle bête. C'est chouette, ça, quand même. On en a rien à foutre de tes études, y'a du monde derrière toi. Mais le support est derrière toi. Dégage quand même, parce que là, y'a des gens. Si tu veux s'abrutir, tu dégages et va te faire foutre. Non, allez, bon, y'a personne, je suis tout seul dans l'appartement. Un abruti, il va se faire foutre, lui gueule dessus, il a rien dit, tu lui gueules dessus. Il a du monde derrière, je suis désolé. Je suis tout seul. Non, tu te prends de ma gueule ou quoi? Je suis tout seul. Ouais, mais attends, t'as plus personne. Gérard. Ne prends pas pour un compte, d'accord? C'est dingue, ce mec. Gérard, c'est Lisa, je peux parler? Gérard. Oui, parle, vas-y. Oui. Attends, c'est pas toi qui commande. Non, c'est pas toi non plus. Bon, alors tu dégages. Bah, allez, Gérard, vas-y, Lisa. Vas-y, Lisa, parle. Gérard, je voulais te dire que moi, je trouvais que c'était très intéressant. Nous, bah on oui, avait mais, bien mais, savoir. Mais le problème, c'est qu'il faut répondre à ces questions. Et dès qu'on en sort un tout petit peu, monsieur s'énerve. Il faut répondre. On se croirait un dictateur. Genre, on dirait... Vous pouvez écouter ce qu'il va dire. C'est plus Gérard, je pense. C'est Bocassa, il faut l'appeler Bocassa. Lisa, rien, tu me l'avais tous les deux. Problème en plus. Ils vont se réveiller leur raison en antenne. Non, c'est à toi qu'on doit régler ton compte. C'est pas la nana, donc c'est toi que je vais avoir en antenne. Non, non, mais attends, mais moi je t'emmerde, d'accord? Dégage, enfoiré. Je sois poli, Gérard. Bonne nuit. Attends, tu permets? Non, c'est toi qui n'as pas été poli. Attends, allez hop, tu dégages. T'as pas été raison, poli. Gérard. Tu dégages. T'as pas été poli. Tu dégages. T'as pas été poli. Tu dégages. T'as pas été poli avec moi. Tu dégages. Sinon, je suis poli, moi. Tu dégages. Mais je reste là. On en est où au niveau des questions? Alors tu dégages, Yves. On dégage pas Yves. Vas-y, il est resté poli. Il est poli, c'est toi qui es. Vas-y, Yves. Bon, alors, Yves, un disque. Yves, moi, je ne continuerai pas le débat avec toi. Yves, on t'écoute. C'est toi qui es pas poli. Bon, Yves, tu peux nous donner un petit. On est tranquille, Gérard éteint son micro. Vas-y. La chouette naquit en 1757 dans une forêt qui est la forêt de Fontainebleau, que tout le monde connaît. Ouais, bien sûr. Donc tout est venu de là. Et il y a Gérard qui va chercher Max là. Il y a Gérard qui va chercher Max. Gérard, reviens. Gérard. Il pourrait pas être un peu plus aimable. C'est de pire en pire avec Gérard. Ah, il est très difficile là. Je crois que là, il est malheureux. Je pense que Christine lui manque. Va pas te frapper l'hôpital, hein. Il est où là? Écoute-toi, petit genre drogué. Donc, Gérard est dans le couloir. Il appelle Max. Il est où lui? Il est où là? Et qu'est-ce qu'il fait là? Mais qu'est-ce qu'il va faire, Max? Qu'est-ce qu'il fait là? Il se balade, il est. Bah, il va de droite à gauche. Voilà. Ce serait bien qu'il s'intéresse un peu à nous quand même. Ouais, ça serait super sympa. Je crois que ce qui l'intéresse, c'est surtout lui, hein. De toute façon, déjà, si t'es un mec, c'est clair, t'as aucune chance. Les filles, appelez-le. Donc, il y a une adresse sur internet pour avoir le numéro de portable de Gérard. Et en fait, il n'y a que les filles qui peuvent résoudre le problème, là. Ah, bah, c'est. Mais ouais, mais... Oh, Gérard ! Gérard, tu peux revenir, s'il te plaît, bah, je suis là. Gérard, reviens. Gérard ! Ce sera pas là pour gerber, faire un peu le bordel, là. Gérard. Parce que toi, tu fous rien. Au standard, ils en ont rien à foutre. Il est parti. Gérard, s'il te plaît, que tu demandes à Yves. Tu se calmes, tu as un poli avec toi. Il est parti depuis un quart d'heure. Si ouais, comme par hasard. Il est parti depuis un quart d'heure. Si t'avais pas quitté ton casque et t'as ton micro. Non, mais attends, parti à que je vous demande quelque chose. Non, mais moi j'ai entendu que Liv il voulait parler de ses études. Ouais, il voulait parler d'un truc intéressant. Quand je demande quelque chose, tu l'as. Tu dégages. Tu viens. Tu viens. Gérard, calme-toi. Non, mais là ça part en couille là dans le studio, ça finit en bagarre. Tu viens. C'est bon, Gérard vient taper l'alligator. Tu mets un disque. Gérard vient taper l'alligator. Tu te calmes, sinon c'est toi qui vire. C'est toi qui est énervé. Je veux pas de joystick. Ben, lui. Et ben lui, dans ce cas-là, au standard, ils font leur boulot. C'est toi qui as fait notre boulot. C'est toi qui as gueulé au début sur lui. Ils sont deux. C'est toi qui as gueulé sur lui. Ils sont deux, ils sont même pas capables de faire leur boulot. Ils sont même pas capables. Ils sont deux, ils sont même pas capables de faire leur boulot. Allez, on met un disque. On met un disque. On met un disque. Bonsoir. Donc on va essayer de répondre la suite des débats jusqu'à 2h30 et après on verra. Ouais, je suis sûr que ça va bien se passer, G. Ouais. Ouais, moi aussi, je crois. Faut garder l'espoir. Ah, je le sens bien. On va y mettre une autre. Donc y a-t-il des souris dans toutes les cabines ou dans les égouts? Ouais, tout le monde est dans la plage, Gérard. Ah, les souris dans les égouts, non. Non, les souris, les souris à la limite, si, mais les chauves-souris, non. Ouais, mais les souris dans les égouts, pas trop, quoi. Non, plus dans les caves, comme dans les caves. Dans les égouts, c'est plutôt les rats, quoi. Ouais. Mmh. Ok. Ouais, moi, je suis c'est passionnant comme débat. Si ça te plaît pas, dans ce cas-là, t'envoies des questions. D'accord. Bah, moi, j'ai une question. Pour ou contre le silicone chez les araignées? Mais non, oh là là, quelle abruti, celle-là. Oh, ouais. Tu restes poli, s'il te plaît, avec elle. Avec des filles, hein. Tu restes poli avec elle, s'il te plaît, merci. D'accord. On demande en entendeur, je veux pas entendre un truc comme ça. D'accord. Donc, oui. Ouais, c'est bizarre. Ouais. Ouais, donc, moi, je pense qu'il y a des rats quand même dans les égouts. Hein. Tu m'étonnes. Dans les grandes surfaces en stock. Oh, non, on n'a même pas répondu. Eh, vas-y, que je te pose une question. Mais Gérard, pourquoi tu sautes les questions là? Et pourquoi tu réponds pas à toi, Gérard? Pourquoi tu réponds pas? Non, putain, il se passe rien dans ces débats. Tu vois, mais si t'es pas content, C'est très bien, moi j'écoute depuis. Non. Tu dis putain, il se passe rien dans les débats. Si t'es pas content, dans ce cas-là, si t'es pas content, tu donnes tes thèmes de débat, tu les enlèves. Pas dit que c'est pas bien, mais je trouve que là, tant qu'il est question, il se passe rien. Tu poses même pas, il y a pas de rythme, t'es aigri, je sais pas ce que t'as. Non, j'ai le droit. Non, il a chez les auditeurs, on paye pour ça. Faire un débat avec Gérard, ça c'est une question. Comment? Est-il possible de faire un débat avec Gérard? Ah, bah aujourd'hui c'est non. Hein. Eh ben dans ce cas-là, vous faites une chose. Si ça vous plaît pas, bah dans ce cas-là, la semaine prochaine, vous allez avoir Françoise à ma place. Ouais. On verra. Ouais. Mais comme ça. Moi j'aime bien Gérard. Hein. Comment? Moi j'aime bien Gérard. Ouais, ben dans ce cas-là, bah, vous comptez un peu sur moi. Ah, il y a Laetitia. Ah, non, j'aime bien Gérard. Ouais, sur Minitel. Sur Minitel, il y a Laetitia qui demande à Gérard de surtout pas partir. Non, ben je ferai ce que je voudrais, Laetitia. Et c'est sur quoi tes admirateurs, Gérard? Mais alors, des millions de téléspectateurs et de encore 4% des gens qui t'aiment. Bah ouais, mais c'est ça, ouais, c'est mais ça. Gérard, on t'aime, mais tu nous rends pas, notre amour. Hein. Voilà, ouais. Tu vois, on est c'est vrai, t'es aigri. Tu crois que tout est gagné, puis quand t'as là, il y avait le mec qui voulait parler et tout, tu l'as zappé, c'est dommage. Ouais. Mais alors, je fais ce que je veux. C'est lui qui commande. On se demande si les questions, la réponse qu'il a donnée n'était pas trop intelligente pour toi. Il a parlé de ses études et là, je on pourrait pas rappeler Yves là pour lui parler de ses études. Rappelle Yves, on va le rappeler alors. Gérard est d'accord. Ah, Gérard, c'est bien ça. Gérard, tu pourrais t'excuser auprès d'Yvan. Tu pourrais t'excuser. Non, moi, je l'ai insulté, t'avais rien dit. Non, mais j'ai pas d'excuses à faire. Tu t'excuses jamais, Et puis il va s'excuser. Hein. Non, mais. Même tout à l'heure, t'as même pas voulu reconnaître que c'était toi qu'on avait appelé. Ouais, c'est ça. Tu t'excuses jamais. Ça y est, Yves est là. Je viens de rappeler. Comme par hasard, c'est bizarre. Non, mais attends, il y a un truc qui est quand même bizarre. Oui. C'est que, au standard, ils font vite. Pour appeler la personne, on n'a même pas la tonalité. Mais là, faut quand même le faire. Il n'y a plus de tonalité. Il n'y a jamais de tonalité, Gérard. Faut arrêter. Mais arrête, c'est pas à nous. Il n'y a jamais de tonalité. Parce que t'as l'air trop, Gérard. Gérard, il y a le bouton bis. Gérard, c'est Yves. Quand tu commences ton débat, est-ce qu'on entend la tonalité des gens qui sont déjà à l'antenne au début du débat? Non, parce que je peux pas vous avoir avant. Bah évidemment, bah non, je l'ai, il m'a rappelé, puis ça a décroché, il m'a passé à l'antenne. Bien sûr, parce que c'est pas, bah, c'est ça. C'est pas joli à l'antenne, la tonalité. Non mais Gérard est un peu gogol ce soir. On disperse là, hein. Donc c'est Yves à l'appareil. Ah, oui, Yves. Donc raconte-nous les études sur les hiboux. Ouais, bah moi je disais que donc le hibou est né en 1752 dans la forêt de Fontainebleau, de Blois. Ouais. Bon, le hibou... Gérard, va t'asseoir. Tu prends des notes. Tu ne regardes pas comme ça, c'est pas la peine. Tu peux nous donner son état naturel? Oui, bah, écoutez, il est à la fois poilu et... Alors, ce qui est marrant par rapport au hibou, c'est que le hibou a une paire de couilles par rapport à la chouette qui n'en a pas. Et ça se reproduit comment? Pardon? Ça se reproduit comment? Bah, c'est plutôt en fin d'après-midi, tout dépend de la saison, mais on va prendre l'automne comme exemple, ça vous convient? Le quoi? Je prends l'automne, ça vous convient comme saison? Ouais, on est en hiver. Non, mais si vous avez une préférence, dites-moi. Non, en hiver. Non, c'est coloré, c'est frais. Dégage. Alors, en automne, le hibou, bon, c'est plutôt l'intention à copuler entre, on va dire, entre 18h et 20h30. Est-ce qu'il vous reste une demi-heure de coton-tige? Alors là, c'est une question que ça répondrait pas. Là, tu vois, au standard. Là, vous entendez pas. Mais ça y est, on l'a zappé, alors arrête de t'énerver. Sur Minitel, il y a Manu Malin. Sur Minitel, il y a Manu Malin. Si tu peux éviter de me couper quand je parle, merci. Qui demande s'il y a des rats sous le pont d'Allemagne. Ah. Là, je répondrai pas. Bah, moi, je vais répondre, il y en a un. Il y en a un. Ouais, tu vas répondre à ce que tu vas vouloir, mais moi, j'ai précisé que je veux pas entendre ce qu'on dira. Tu dégages. Ça va pas? Tu dégages. Gérard vient de frapper l'alligator. Non, je dégage. Non, c'est pas à toi que je m'adresse. Ah bon. Tu dégages avec ta caméra. Non, c'est Gérard, tu n'as pas à le frapper, attends. Non, non, mais il n'a pas... Il mais, a non, pas mais non, mais non, mais non, mais non, Gérard. Ok. Allô, les filles. Oui, vas-y, continue. Bon, on était où sur les hiboux? Vas-y. Donc, le hibou, il y a trois couleurs. Il y a le noir, le gris et le blanc. Ah, c'est joli, ça. La hibou-lette blanche, c'est plus dur d'accès. On peut la trouver dans des périodes de saison plutôt hivernale. Sous ton blond manteau, hirondelle, prends mon envol. Bon, vous connaissez tous ce texte. Ah, désolé. Hirondelle, tu es toujours plus belle. Quand tu es assis sur ta branche, vas-y, montre-moi ton manche. Ouais. Je voudrais te sauter, mais je n'ai plus de blé. Ah. Alors, c'est une phrase, en fin de compte, qu'a fait Louis XVI okay, c'est bon, hein. en 1854. Je veux savoir ce que j'ai vraiment pensé. J'en ai rien à foutre. Ouais, comme d'habitude, ouais, voilà, Gérard, comme d'habitude. Si t'en as rien à foutre, tu raccroches. Comment? Si t'en as rien à foutre, tu raccroches. Non, mais tout à l'heure, Yves, tu as vite fait gerber. Ouais. Non, c'est gerber, c'est vomir. On dit jarté. Gerber, c'est vomir. Mais Gérard, là, c'est bien parce que t'as été quand même compréhensif et tu l'as c'est pareil, donc c'est bien, on est content. Il a compris que j'étais un peu intelligent. Tu t'es excusé? Non, il s'est pas excusé. Ah mais c'est ce que jamais le Gérard. Le Gérard est une bestiole qui ne s'excuse pas. Hein. C'est le Gérard. On la trouve où? Ah ça se trouve nulle part. Hein. Ça se trouve dans les catacombes. Et ça se reproduit comment? Ah ça se reproduit pas. C'est une erreur de la nature. C'est-à-dire c'est un peu comme les mauvaises herbes ou les racines. Hein. Les fausses laissées. Non je plaisante. J'adore. Le Gérard est une. Nous on fait un élevage. Hein. Ouais, c'est une créature unique le Gérard. Ouais. Bon allez sérieux Gérard. C'est quoi la question d'après? Gérard, tu peux poser la question suivante s'il te plaît? Le sucre attire-t-il les fourmis dans... On a rien compris, le quoi, on a rien compris, là, vas-y. Le sucre attire-t-il les fourmis dans... vous ouvrez un peu les oreilles. Bon, alors, d'après ce que j'ai compris, les filles, c'est le sucre. J'ai rien compris, hein. Bah, je voudrais rester... T'as rien compris, c'est que... T'as posé la question, Gérard. Alors, est-ce que le sucre attire les fourmis? Oui. Les fourmis, espèce d'abruti. Ah, les fourmis. Alors, Chris... Moi, j'ai déjà vu des bouts de sucre à courir dans les fourmis, hein. La réponse, moi, c'est on. Non, rien. Qui a parlé de fourmis qui a couru vers les bouts de sucre? Non, c'est quoi comme sucre? C'est du sucre candi? C'est quoi? C'est du sucre comment? C'est en sucre... poudre ou en morceaux? En poudre et en morceaux, les deux. Ah, merci c'est pour le sel. Les sucres roux ou blancs? Oui, c'est plutôt le sucre qui va vers les fourmis. Hein. Ah, affirmatif. Et d'ailleurs, s'il va pas trop vite. Moi, ça m'est arrivé chez moi comme ça. Et d'ailleurs, quand le sucre est pas rapide, c'est sucre lent. Ouais, c'est pour ça qu'il faut mettre le sucre en boîte. Moi j'ai un paquet de sucre comme ça qui s'est déplacé vers la fourmi. Ouais, c'est impressionnant. Tu l'avais pas mis en boîte, tu l'avais Lisa. Pas mis en boîte. Lisa, oui, je peux t'ajouter, je vais faire le débat à la place de Gérard. Vas-y, Lisa. Yves, tu l'affirmes s'il te plaît, merci. Je m'en fous, c'est pas le mien qui sonne. Donc c'est pas moi. Donc au standard, réveillez-moi un petit peu. Ah, on est là. Donc Gérard, réponds, c'est Lisa. Donc, oui, tout à fait, les fourmis sont toujours attirées vers le sucre. Ah non, donc, elles sont attirées vers le sucre glacé, le sucre roux, lent. Particulièrement le sucre roux. Et le sucre glacé aussi, Gérard. C'est-à-dire ? Non, mais je suis pas d'accord. Mais écrase ! Bah si je l'écrase, une fourmi, ça va mourir. Hein. Donc, Hey, comment ça va être lourd, lui, quand il a raison de se l'écraser. Bah attends, je suis quand même le seul qui a fait des études, donc je peux parler. Non, mais parce que le sucre glacé, le sucre roux, ça, ça a des propriétés très, très douces, voilà, exactement. Et donc voilà, quoi, c'est pour ça que c'est très apprécié chez les fourmis. Voilà, bon, je peux donner la vraie réponse, maintenant? Oui. Parce que j'ai fait des études. Ah, c'est bien. Vas-y, informe-moi. Vas-y, Gérard. Pour l'instant, personne n'a répondu, donc ouais, si tu veux répondre à la place de tout le monde, ben vas-y, réponds. Comme ça, toi, tu veux faire le chef, et ben fais ton chef. Mais c'est un débat, Gérard, tout le monde a le droit de parler. Non, mais attends, mais tu permets, j'ai le droit quand même de demander aux gens ce qu'ils en pensent. Bon, bah alors demande-leur d'abord. Qu'ils te disent, là, il est en train de te le dire. Non, mais qui donne des mauvaises réponses et j'aimerais la vraie réponse. Il y a Julien sur Minitel qui dit que la fourmi peut porter 250 fois son poids. Ça fait 3 GG. Oh là là. Bon, moi j'ai participé au tournage de Guinness. J'ai déjà ramené des films. Je sais pas si vous souvenez de moi, je suis venu il y a 15 jours à la radio. Ah, t'es le blaireau, le blaireau là. Le... Non, justement, je suis le copain. Le blaireau, ça mange des fourmis. Hein. Voilà. Alors, bon, la fourmi n'est pas attirée par le sucre, mais attirée par l'eau. Ah. Et le coca ? Le coca aussi ? Apparemment, Gérard est d'accord avec moi parce qu'il dit que c'est ça. Donc, apparemment, il le savait aussi. Ah oui, il dit oui de la tête. Alors, il y a différents. Tu dégages ! Il y a la fourmi marron, il y a la fourmi verte et la fourmi bleue. Ah. Et la fourmi micro-ondes aussi. Une fourmi... Alors, je pense que vous connaissez tous cette chanson qui dit une fourmi verte qui courait dans l'herbe, je l'attrape par la queue. Ah, mais la fourmi, c'est messieurs, ces messieurs me disent trempez-la dans l'eau, trempez-la dans l'eau, ça fera bizarrement nous. Bon, ça c'est le truc de. Ah, et bien c'est bien de manière le débat sur. Est terminé, maintenant on va faire les silicones. À 2h30, j'arrête, c'est tout, comme non, ça. Non, c'est bon. Gérard, bon, à 2h, on va avoir fini là. Je suis pas d'accord. Avec la vitesse à laquelle tu vas, on va finir à 2h, Gérard. 2h30, j'arrête, c'est tout. C'est bien, je vais me coucher tôt. Gérard, cool. Gérard, je peux te dire quelque chose ? C'est qui ? C'est bizarre. Vas-y. Oui, je veux te dire, Gérard, on est comme dans un débat politique quand on regarde la télévision, tu vois ? Ouais. Donc tout le monde a le droit de s'exprimer. Donc il y en a qui parlent plus longtemps que d'autres. Donc toi, gère ton débat, Gérard. Parce que j'ai plus de choses à dire que les autres. Mais pour l'instant, c'est pas toi qui fais les débats, c'est moi, d'accord ? Bah vas-y, Gérard, pose ta question. Pour moi, Gérard, c'est toi le chef, je suis tout à fait d'accord. Alors, tu t'écrases quand je demande aux gens qui réagissent, ok ? D'accord, ok. Oui. Vas-y, Gérard. Vas-y, Stéphane. Tu m'écoutes ? Oui. Juste pour te dire que là, je vais raccrocher parce que j'en ai franchement marre de t'écouter. Mais tu m'as demandé de rester réveillé alors que demain matin, je me lève à 6h pour aller en cours. Tout ce que tu fais depuis le début, c'est vraiment merdique, c'est nul à chier. Donc là, je vais aller me coucher et puis bah tu me rappelleras quand tu seras de meilleure humeur et quand tu auras des trucs intéressants à me dire, ok ? Ouais, respecte un peu les gens avec qui tu bosses, hein. Estelle. Merci, Lisa. En plus, ils sont super au standard. Merci. C'est bien, tu m'énerves que Max. Il y avait la tonalité là. Non, mais Max, il est content. Mais c'est que toutes les filles vont suivre son exemple. Eh bah, ben, dans ces cas-là, vous faites ce que vous voulez, moi j'ai arrêté ça. Ah non, on t'adore, nous. Hop, non, regardez. Allez, en plus, il y a toujours Laetitia sur Mitter qui dit qu'elle t'adore et que vraiment elle est déçue. J'en ai rien à foutre. Elle aimerait bien que tu souris. Voilà, t'en as rien à foutre, mais tu respectes personne. T'en as rien à foutre de tout. Tu respectes ta mère au moins ? Gérard, reviens, éteint son micro. Il m'a fait au moins 50 fois par débat, alors. Gérard. Donc Gérard a retiré son casque, Gérard, il a éteint son micro. Ah mais ça, il le fait tout le temps, encore. Ça. Hein. Non mais Gérard ne respecte personne. Et il appuie sur le bouton du micro pour pas que je puisse le rallumer. Bon, Gérard. En tous les cas. Bon, moi je continue le débat. Oui, donc, vas-y, continue. On va parler des fourmis et des chouettes. Ouais. Quelle est la bête qui vous fait le plus peur, vous ? C'est les araignées. Les fourmis bleues. Le Gérard. Les fourmis bleues, c'est quoi, ça ? Bah, je sais pas, c'est pas qui nous a parlé de cette espèce, donc... Non, les fourmis vertes. Ah. Non, mais moi, c'est les fourmis bleues qui me font peur. D'accord. Et toi, garçon ? Garçon ? Oui. Ouais, c'est Stéphane. Oui, Steph. Ouais, moi, c'est les fourmis micro-ondes. Ok, c'est passionnant, tout ça. Moi, c'est les araignées. C'est les araignées, non, quoi. En fait, c'est vrai, c'est les araignées. Moi, j'ai entendu dire qu'il y avait des araignées à Fun. Ah. Moi, ça me fait super flipper les araignées. C'est vrai? Ah, ouais, mais vraiment, pareil. En plus, c'est vrai, quoi. Et là, Fildar, il est parti lui aussi, Philippe, ils sont tous partis, les mecs? Non, je suis Fildar. Fildar, c'est quoi ton animal, toi? Le pire, en façon, c'est les grosses velues. Qu'est-ce qui te fait peur, Fildar? Ah. Les juteuses. Ah, c'est les Laurence. Ah, t'aimes bien les juteuses. Ah, les quoi? Les juteuses. Les Laurence. C'est quoi les Laurence? Les Laurence à poil aussi. Elles sont plates, elles sont toutes poilues, les Laurence. Ah, là, j'ai entendu qu'il y en avait une qui aimait bien les grosses velues et juteuses. Bah, c'est moi, c'est Chris. Ah bon? Donc, attendez 30 secondes, s'il vous plaît. Estelle et Fanny ont raccroché. Et donc, on accueille Nadia à la place. Salut Nadia. Gérard a raccroché aussi. Hein. Il est là, Gérard, ou pas? Non, il a raccroché, je crois. Hein. Non, il veut plus, là. Il boude. Il parle plus, hein. Son micro. Il boude. Je pourrais faire une petite déclaration, s'il vous plaît. Oui, bah, vas-y. C'est Lisa. C'est Lisa, donc je m'adresse à Gérard. Hein, laissez Lisa faire sa déclaration. Allô je m'adresse à Gérard. Alors, Gérard, c'est bon. Ça, tout le monde le sait. Moi, Gérard, s'il te plaît, reviens. On veut répondre aux questions. Sur le Thébo et la mine oreillette du casque. Donc si tu lui dis qu'il est très joli, je pense qu'il va remettre le casque en entier. Gérard, t'es joli avec ta grosse moustache. Allez Gérard. Donc Gérard, c'est bon, reviens dans ton débat. C'est François. C'est sur le silicone, je vous préviens. Mais non, alors, est-ce que les araignées ont du silicone ou pas? C'est ça? Silicone aux pattes? Du silicone aux pattes. Ou est-ce que les araignées peuvent même se faire mettre du silicone? Quand je t'appellerai pas de chambre, tu répondras, d'accord? Ouais, GG, vas-y. Gérard, c'est quoi ta question suivante, s'il te plaît? Ouais, vas-y, Gérard, on t'a dit. Maintenant, on fait les silicones, on va mettre un disque. Gérard, mets ton casque, ça fait des larcènes. Ça fait du larcène. On va jouer, d'accord? Ça fait du larcène, Gérard. Casque. Voilà. Donc on met un disque et on vient mais pour j'ai le plus de disque, on en a mis un. Vas-y, continue, Gérard. Mais continue, bordel. Putain, mec, il a raison, c'est nul. Silicone est terminé. Non, termine. Silicone est. Ça sert à rien. Termine le premier débat, Gérard. Parle là-bas pour tuer, Gérard. Hein. Parle là-bas pour ton micro. Hein. Parce que ça peut paraître de débat qu'on est obligé d'entendre les deux. Si t'en as marre, tu te barres avant. Il y a le respect de l'auditeur quand même. Les gens qui écoutent la radio. Qui dit va chier Gérard, tu nous emmerdes avec ta façon de jouer la star. Et c'est vrai que tu joues la star ce soir. Eh ben, s'il n'est pas content, c'est le même prix. Non, c'est pas le même prix. C'est nous qui payons. On est auditeur. Si c'est pas bien, tu t'en vas. Ouais, mais attends, c'est pas nous qui payons, du temps. C'est pas vous qui. Gérard, tu respires un grand. Ah, mais Gérard, Mac, il voudra jamais. Pose ta question, Gérard. Pose la question. On t'écoute. Non, mais attends. Allez. Où qu'ils ont été chez. C'est le nouveau son de la semaine. Ouais. C'est le nouveau son de la semaine. Donc on va s'écouter les Demoiselles de Suresnes avec des portes d'Irtel. Comme par hasard, merci Philippe.